Voudriez-vous nous faire plaisir puis essayer de reprendre ce contact avec le public ce soir en chantant une chanson? Certainement, M. Beaulieu, ça me fait plaisir. Je vous remercie. Eh bien, voici, pour la première fois à la télévision canadienne, le soldat Lebrun. Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras l'ami de personne que moi. Aujourd'hui, parents et amis, je viens faire un dernier adieu. Je dois quitter mon beau pays pour traverser les grands flots bleus. Là, les canons allemands grondent et leurs fusils sèment la mort. Et pour protéger notre monde, il faut aller risquer la mort. Oh, oh ma mère chérie, pardonnez-moi tout ce que j'ai fait. Mon père, mes frères, sœurs et amis, gardez le souvenir de moi. J'ai vécu parmi vous ici le plus beau séjour, mes amis. Mais si Dieu me garde la vie, je reverrai mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie, je pars pour un lointain séjour. Adieu, je ne reviendrai plus au pays où j'ai connu.